Mais Plouzo, unité d'enseignement, selon le jargon actuel, codé LMD 150 à l'Université de Provence. Enregistrement numéro 3. Monsieur Joël Bertin, BERTIN, assure la prise de son. Nous sommes le 18 octobre 2000. J'ai déjà dit que les conditions matérielles de l'enregistrement ne sont pas très bonnes. J'ajoute que le studio lui-même n'est pas parfaitement insonorisé et qu'il arrive qu'on entende comme un fond de voix, en quelque sorte derrière la mienne. Nous allons maintenant nous occuper de lexique. Il va s'agir tout à la fois de définir une méthode de travail, d'enrichir nos connaissances de l'histoire de la langue française et en particulier d'approfondir notre familiarité avec Perceval. Les mots auxquels nous allons nous intéresser figurent tous dans le passage allant du vers 1301 au vers 2965 de l'édition de Perceval par Monsieur Lecoy, partie du texte mis au programme pour les étudiants de première année inscrits auprès du Centre de Téléenseignement de Lettres de l'Université de Provence pour l'année scolaire 2000-2001. Pour chacun des mots considérés, nous nous attacherons à définir son ou ses sens et éventuellement ses nuances d'emploi. Et il ne nous est pas interdit d'aborder des questions de stylistique sur un passage plus ou moins étendu de notre Perceval. Les passages les plus courts iront du vers 1301 au vers 3047, c'était une partie du texte mise au programme lors d'années antérieures. Les passages les plus longs couvrent la totalité du texte. Pour faciliter votre travail, je vous ai préparé des relevés exhaustifs des occurrences de mots sur des passages donnés. Les relevés figurent dans la section du cours appelée Mots en contexte. Chaque mot y est produit dans un contexte assez étendu et vous devez impérativement vous appuyer sur ces documents. Par ailleurs, les contextes que je fournis ne vous suffiront peut-être pas toujours à comprendre dans quelle situation on se trouve. N'omettez pas de replacer ces contextes eux-mêmes dans l'environnement plus large de la narration en vous aidant de l'ensemble de l'édition de Monsieur Lecoy où un titre courant situe les épisodes et dont le glossaire élucide le sens des mots. Vous avez affaire à une édition remarquable, je le répète. Le travail préalable à ces questions de lexique, car vous ne devez pas vous contenter d'écouter passivement les enregistrements, sera pour vous une excellente façon d'améliorer vos compétences en ancien français. Pour cerner les sens d'un mot donné dans Perceval, nous devons nous appuyer sur un certain nombre d'attestations, mais nous pouvons aussi les éclairer par l'étude concomitante d'un ou plusieurs autres mots relevant du même champ notionnel ou de champs notionnels voisins. Par exemple, en français moderne, nous pouvons étudier à la fois les verbes apprendre, monter, enseigner. Il nous arrivera de travailler sur des couples, comme les verbes avaler et descendre, et les noms escuyer et sergent. Enfin, pour chaque mot donné, nous quitterons notre travail sur corpus pour nous intéresser à l'histoire du mot après l'ancien français, passablement, et parfois un peu avant. J'allégerai au maximum cette partie historique que je ne traite que pour m'aligner sur des coutumes académiques pas toujours recommandables. Pour cette partie, je ne vous fournis pas de documents préparatoires, mais indique quelques instruments bibliographiques dans la section du cours appelée Avant toute chose. Comment procéderons-nous pour tracer à grands traits l'évolution d'un mot dans son sémantisme et ses conditions d'emploi? Nous partirons du principe que là où les valeurs sémantiques des mots de Perceval que nous étudions reflètent assez bien leur valeur à la même époque en ancien français. Par ailleurs, je choisirai des mots qui relèvent d'un registre banal, c'est-à-dire ni pédant, ni familier, ni grossier, etc., et qui ne sont pas des termes techniques, rares ou régionaux. Dit autrement, nous étudions des mots qui, bien qu'appréhendés à travers un texte dans une édition spécifique, auront là un statut représentatif de leur statut dans la langue de l'époque, c'est-à-dire de la fin du XIIe siècle. C'est pourquoi il sera légitime d'examiner l'évolution de leur sens et ou de leurs emplois jusqu'à la langue d'aujourd'hui. Je précise d'emblée quelques cas de figure récurrents. Le mot est resté courant et banal, ou bien est devenu rare, recherché, s'emploie aujourd'hui par ironie. Il a disparu, et dans ces cas, nous devons nous demander pourquoi et par quoi il a été remplacé. Éventuellement, il a changé de sens. Et alors, par quoi et pourquoi a-t-il été remplacé pour les sens qui ont changé? J'évoquerai très succinctement l'histoire d'un mot donné avant Perceval, tout simplement parce que les étymons appartiennent à des langues, en l'occurrence presque toujours le latin, dont je sais que le public estudiantin inscrit en première année de lettres modernes à l'Université de Provence les maîtrise très mal et que donc le développement que je pourrais faire n'aurait aucun sens pour ce public. Je rappelle que les études qui viennent ont pour but premier de vous obliger à entrer sérieusement dans la lecture de Perceval et de définir une méthode de travail. Pour commencer, nous étudions l'adjectif tchaïtif dans une partie de Perceval, édition Lecoy. Vous ouvrez la section du cours appelée « Mots en contexte » à l'endroit où figure le mot « tchaïtif » et vous lisez attentivement les lignes qui précèdent le relevé proprement dit. Pour ce faire, vous arrêtez momentanément l'enregistrement. Qu'avez-vous constaté? Que la section est intitulée « tchaïtif » dans « Perce-el-lé » 1301-3572, et que le mot tchaïtif du titre écrit C-H-A-I-T-I-F est précédé d'une croix. Dans le relevé proprement dit, ce mot n'apparaît jamais avec cette graphie, mais apparaît avec un début écrit C-H-E-I ou C-H-E-S. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la façon d'écrire les mots n'est pas fixée par une autorité qui en détermine l'orthographe, mais qu'elle est variable. Lorsque nous, modernes, voulons désigner un mot du Moyen-Âge, il nous est indispensable de recourir à une orthographe normalisée. Comme tous les médiévistes attentifs à ces questions, j'utilise l'orthographe normalisée du dictionnaire de Tobler et Lomatch, dictionnaire dont le nom est abrégé en TL dans votre document. Cette orthographe est tout à fait pertinente pour les documents du XIIe et du XIIIe siècle. Le mot tchaïtif, écrit C-H-A-I-T-I-F avec une croix devant, représente le lemme du mot dans ce dictionnaire. Mon corpus est appelé Perce-el-lé 1301-3572. Cela signifie que j'étudie le mot seulement sur le passage allant du vers 1301 au vers 3572 du texte appelé Perce-el-lé. Elle l'est. Que désigne cette abréviation? Elle désigne la numérisation du texte de l'édition Lecoy de Perceval réalisée par Madame Monique Léonard, professeure à l'Université de Toulon. L'abréviation que j'utilise pour l'édition Lecoy est PERCE-L. Vous voyez que PERCE-L l'est, en principe, reflète exactement PERCE-L. Pour plus de détails, reportez-vous à la section bibliographie et à la section abréviation du cours. Maintenant, vous parcourez le relevé proprement dit en examinant d'abord la colonne de droite et de nouveau vous arrêtez l'enregistrement. Dans la colonne de droite figurent deux choses. D'une part, des numéros qui sont des numéros de verre de l'édition Le Coin. Le texte numérisé que m'a donné Madame Léonard, dans son texte, ces numéros n'étaient placés que de 4 en 4, comme dans l'édition Le Coin. J'ai occasionnellement ajouté des numéros et j'ai toujours placé le numéro de verre correspondant à l'objet travaillé, ici les occurrences de Tchaïtif, souligné, ainsi que le numéro de verre correspondant. Dans cette colonne figurent aussi des lettres entre crochets droits. Elles correspondent à des indications de changement de colonne dans le manuscrit de base de l'édition Le Coin. Ces indications sont fournies également dans l'édition de M. Le Coin. Examinez maintenant le relevé proprement dit en vous focalisant sur les signes typographiques dont peut-être vous n'avez pas l'habitude. Arrêtez l'enregistrement. Les accolades et ceux qu'elles entourent n'appartiennent pas à l'édition Le Coin, mais sont des indications par moi fournies sur la situation des passages. Le point entre deux barres obliques marque que j'ai pratiqué une coupure à l'intérieur d'une citation. Dans ce relevé-ci, ce signe figure toujours entre des guillemets et il montre que je n'ai pas cité in extenso un ensemble de paroles rapportées par l'auteur. De façon générale, ne laissez jamais passer de signes ou d'abréviations dont vous ne comprenez pas le fonctionnement. Reportez-vous aux sections du cours intitulées d'une part abréviation et d'autre part bibliographie chaque fois que vous êtes arrêté dans ce domaine. Venons-en à Tchaïtif de notre corpus. Première constatation, le mot s'applique toujours à des créatures vivantes. Deuxième constatation, il s'applique à des créatures qui ne sont pas heureuses et qui sont également qualifiées par des adjectifs dénotant soit le fait d'être triste, exemple vers 1988, tant dolente ne tchaïtive, soit le fait d'éprouver de la douleur, exemple vers 3421, comme tchaïtive douloureuse, soit le fait d'être malheureux. Exemple, vers 3568-3569, percevaus li tchaïtis, ah, percevaus malheureuse. Pour ces trois exemples, la traduction du glossaire de l'édition de M. Le Coin, à savoir malheureux, infortuné, est tout à fait acceptable. Dans la dernière attestation, au vers 2023, il n'y a pas dans le voisinage d'adjectif relevant de tel champ notionnel. Mais le contexte nous montre que la jeune fille qui profère les paroles envisage un lendemain peu riant. Je vous traduis. Car demain, si Dieu m'y pourvoit, ce château, lui, c'est-à-dire à un méchant, sera livré. Et moi, comme tchaïtive. Je traduirai plus tard. Mais assurément, avant qu'il ne m'ait vivante, je me tuerai et il m'aura morte. Fin de la traduction. Monsieur Le Coin, dans son glossaire, a rendu cet exemple par captive, c'est-à-dire qu'il prête au mot un sens, par ailleurs bien attesté en ancien français et dans d'autres romans de Chrétien de Troyes, et qui, nous y reviendrons, est celui de l'étymon. Bilan, dans notre petit corpus, je vous rappelle que nous n'avons pas étudié Tchaïtif sur l'ensemble de Perceval, le mot s'applique à des personnes et signifie soit prisonnier, une seule fois, soit malheureux, misérable. Ces emplois et sens sont aussi les plus répandus pour ce mot en ancien français. Maintenant, un peu d'histoire. Si nous descendons au français moderne, que constatons-nous? Premièrement, que le mot subsiste, mais qu'il a subi un ajustement au plan de la graphie. En effet, nous écrivons aujourd'hui chétif, C, H et accent aigu, T, I, F. Ne confondez pas les ajustements purement graphiques avec l'évolution sémantique des mots. Ils n'ont pas toujours, ils ont même assez rarement, des rapports entre eux. La deuxième chose que nous constatons, c'est que chétif du français moderne est toujours un mot non rare et d'un registre neutre. Ceci n'a rien pour nous étonner, puisque précisément les mots étudiés ont été choisis pour qu'ils présentent ces qualités. Troisièmement, pour le reste, les choses ont énormément bougé. En effet, les sens qui s'attachent le plus fréquemment aux mots sont ceux que le dictionnaire Petit Robert de 1993 signifie comme, je cite, « de constitution faible, d'apparence débile ». Fin de citation. Nous sommes donc passés du domaine du domaine moral au domaine physique. Il y a eu évolution. Mais en fait, le mot garde comme un souvenir du sens médiéval de malheureux, ainsi que nous le fait remarquer M. Georges Guggenheim dans son très beau livre « Les mots français dans l'histoire et dans la vie ». Voici donc ce que nous dit M. Guggenheim, je cite. « Chétif a gardé une valeur affective ». Fin de citation. En effet, si nous considérons en français moderne le couple d'adjectifs « faible » et « chétif », nous constatons que « chétif » en dit plus. Par ailleurs, en français moderne, il y a un deuxième emploi de « chétif ». Voici quel est cet emploi. Incident à des noms ne référant pas à des créatures vivantes, l'adjectif est défini dans le dictionnaire Petit Robert de 1993 comme signifiant, je cite, « sans valeur, insuffisant ». Fin de citation. Ce dictionnaire donne comme exemple de cet emploi, qu'il qualifie de littéraire, « une chétive récolte ». Que s'est-il passé maintenant entre l'étymone et l'ancien français? Nous changeons de période. Le mot vient du latin captivus, C-A-P-T-I-V-U-S. J'ai cité ici au nominatif singulier. Et ce mot captivus a subi dans les gosiers gaulois quelques transformations phonétiques qu'il n'est pas opportun de décrire ici. Captivus signifie prisonnier. Ce sens se conserve en ancien français. Nous en avons vu un exemple dans notre corpus et certains textes en font un très fréquent usage. Mais à côté de ce sens se développe celui de malheureux, misérable, dont nous avons vu qu'il est bien plus souvent attesté dans notre corpus. La filiation sémantique établie par les savants est la suivante. En latin tardif, captivus, je cite toujours au nominatif singulier, a pris le sens spécifique de prisonnier de ses passions. Donc, selon une certaine optique morale, malheureux. En résumé, voilà ce qu'il fallait démontrer. Il ne vous aura pas échappé que captivus est en rapport avec captif. Nous avons là un fait récurrent dans l'histoire des mots du latin au français moderne. Un seul mot a deux reflets. L'un est savant, c'est captif par rapport à captivum, je cite ici à l'accusatif singulier pour avoir une rigoureuse correspondance phonétique, et l'autre est populaire, c'est chétif par rapport à captivum, je cite encore à l'accusatif singulier du latin. Le mot captif épouse presque intact les phonèmes du latin et le sens de l'étymon captivum, cité ici à l'accusatif singulier, je le rappelle. Tandis que le mot chétif est le produit en quelque sorte naturel par usure phonétique et caprice des à peu près sémantiques du latin captivum, qui est cité ici à l'accusatif singulier. Il est fréquent que pour un mot latin, nous ayons ainsi deux descendants dans notre langue, l'un hérité par transmission populaire et l'autre calqué plus tard par un réflexe, par un acte volontaire des savants qui voulaient enrichir notre langue. La présence de doublés, certains grammairiens en effet appellent doublés l'existence de ces couples, n'est pas du tout rare. Je vous en cite un autre. Vous pouvez penser au mot avoué, je pense au substantif, un avoué. Peut-être n'imaginez-vous pas, ne vous représentez-vous pas quel est le doublé. Si je vous donne l'étymone du mot avoué, vous trouverez tout de suite quel est le doublé. Le mot avoué, le substantif avoué, provient de l'accusatif latin advocatum, advocatum. Il est clair, dans ces conditions, que le doublé savant du mot avoué n'est rien d'autre que notre mot avocat. Vous constatez que j'ai dévolu un certain temps à l'histoire de mots captivus. Dans les études qui suivront, nous nous centrerons en fait bien davantage sur Perceval. Et pour ma part, je constate qu'il me reste encore quelques minutes avant la fin de la bande. Nous allons en profiter pour faire des exercices de prononciation. Je reprends quelques occurrences citées dans cette bande magnétique. Malheureusement, j'en ai très très peu sous les yeux. Alors, je vous relis donc les malheureux 5 vers qui ont été lus dans cet enregistrement et vous allez les relire après moi. Je vous laisse à dessein du temps après mes lectures. Le premier est le vers 1988, tente dolente, ne tente, chaitive. Si je lis bien, vous entendez les voyelles nasales suivies de leur N et répétez après moi. Tente, dolente, ne tente, chaitive. Le deuxième est le vers 3421. Comme chétive douloureuse, vous auriez bien remarqué que je ne fais pas entendre le S devant le T. Ce S est ici purement graphique. On peut parfaitement le démontrer quand on connaît la phonétique historique et l'étymone du mot. Comme chétive douloureuse, prononcez bien douloureuse, comme chétive douloureuse. Enfin, percevaus li cetis. Percevaus li cetis. A percevaus malheureuse. Des vers 3568-69. Je vous remercie.